voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant des Saguenayens de Chicoutimi. Saguenayens qui ont remporté leur première victoire à l'étranger cette année. Ils ont remporté une victoire de 4-1 contre l'équipe des Wildcats de Moncton. À noter que le meilleur joueur a été Nicolas Roy, qui a marqué un but et a amassé deux passes. Il y a Ryan Verbeek qui a également marqué. Il y a aussi Antoine Marcoux qui a marqué un but et a marqué une passe, de même que Sonata Dali. Prochain match des Saguenayens ce soir à Charlottetown contre les Islanders. Et le match du 26 août à Robertval a rapporté 4 800 $ au hockey mineur de Robertval. Ce sont les chiffres finaux. Hier, sur les ondes de DanRadioSport.com, Hugo Maltais a mentionné qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était un petit peu moins qu'anticipé au départ. Anticipé parce qu'il y a des petites affaires là qui ont, qu'on s'est entendu avec les Saguenayens sur le 10 000. Moi, j'avais oublié, là, je m'en rappelais pas. Je suis pas un gars d'affaires, là. J'avais oublié que, tu sais, il y avait les taxes, là. Fait que c'est niaiseux, là. Ouais. Mais 10 000 avec une facture est imposable. Ouais. Fait que c'était 10 000 plus taxes. Fait que 10 000 plus taxes, ça fait 15, ça fait 11 500. Okay, okay. Fait que enlève 6 000 puis rajoute 1 500 taxes, ben, tu vas arriver à 4 500 $, là, tu sais, à peu près, là. Fait que c'est pour ça que ça va tourner. C'était 6 000, mais là, au détriment de certaines petites factures comme, ben, du coup, ça, c'est la plus grosse, là, qu'on avait. On s'était pas entendu, mais c'est pas méchant, là. Je veux dire qu'on s'est pas entendu, c'est pas une question de s'entendre, mais étant donné qu'ils nous l'ont, c'est correct là, dans leur livre, là, aux autres, pour les états comptables, ben, c'est sûr que ça prend facture. Puis Parlons maintenant de football, et on va parler pas mal de football au cours des prochaines minutes. Il y a deux finales qui nous intéressent en fin de semaine. D'abord, il y a un match qui va se dérouler à l'école Charles Gravel demain, opposant les Faucons des Portes du Nord de Chibougamau contre l'école Charles Gravel. En entrevue sur les ondes de DanRadioSport.com, l'instructeur Serge Bouchard a mentionné qu'est-ce que l'équipe devra faire ou qu'est-ce que l'équipe de Charles Gravel a en particulier. Steve qui est très rapide. OK. Avec un carrière qu'on appelle en shotgun. Ouais. Rapide, le carrière est excellent pour courir. Puis ça, quand un carrière qui est excellent pour courir, ça cause des problèmes à la défensive. Parce qu'on doit toujours respecter cet aspect-là. Et ça ouvre du même coup d'autres choses pour les autres joueurs là, dans l'offensive. Donc, c'est vraiment ce qui complique la tâche. C'est que c'est un carrière qui est capable de courir avec la balle, qui est capable aussi de faire de belles passes, de longues passes. Ils ont des bons receveurs de passes aussi. Donc, c'est vraiment l'offensive là, qui pose problème, et à chacun de leurs matchs, ils ont toujours marqué, je dirais, au moins 24 points, là. C'est ce qu'ils ont marqué de moins contre nous, mais contre Jonquière, ça a été des matchs de 60 points, donc c'est vraiment leur équipe qui est leur force. OK, OK. Une autre demi-finale qui va nous intéresser, c'est ce soir, ça aura lieu à Sorel, et opposeront les Lynx d'Allemagne à l'équipe de Sorel. Hier, on a parlé à l'instructeur-chef Patrice Boudreau, et Patrice Boudreau mentionne que l'équipe de Sorel, c'est une équipe quand même qui possède une bonne attaque. C'est une équipe qui attaque principalement avec une attaque au sol, ok, ça court la balle, comme on peut dire en langage de football, pas beaucoup de passes, une bonne défensive. C'est pas mal ça. Okay. Le fait qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur une équipe de Sorel, ben, ça peut être un désavantage. Explique l'entraîneur des Lynx d'Allemagne. Ben écoute, nous on aime tout le temps ça, hein, de se préparer le mieux possible. On aime ça avoir des films de game, avoir de l'information sur les équipes. Je pense que moins on a de l'information, plus ça nous désavantage. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec l'instructeur des Faucons Barrettes de Chibougamau, Serge Bouchard. Également l'instructeur des ambassadeurs de Chibougamau, Michael Godreau. Je me suis également entendu avec le président du hockey mineur de Robertval, Hugo Maltin. Et aussi Pascal Jobin vient nous parler de la NBA, son analyse de la division, la conférence de l'Est de la NBA. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com. On s'en occupe.